Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les Jeux d'Hitler, les Jeux de Berlin en 1936. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Adolf Hitler, le 1er août 1936, qui déclare ouvert les Jeux olympiques d'été de Berlin. Les Jeux de Berlin vont passer à l'histoire. Jeux de la propagande nazie, Jeux du coureur américain noir Jesse Owens, Jeux du génie cinématographique de Leni Riefenstahl. Mais les Jeux de Berlin auront d'abord été cet extraordinaire jeu de dupes auquel le monde et le mouvement olympique auront accepté de participer. Il y a quelque chose de profondément dramatique dans ces Jeux de 1936. J'étais très jeune, 17 ans et demi, 18 ans, mais c'est clair qu'on a vu déjà à Berlin que les Jeux ont été utilisés en fin politique, plus que du sport. Et c'était une exploitation claire des Jeux en fin politique du régime naziste. Le témoignage d'Arthur Takache qu'on entendait au micro de Lise Payette en 1976. Arthur Takache, jeune athlète représentant la Yougoslavie à l'époque aux Jeux de Berlin en 1936, qui se souvient, vous venez de l'entendre, du caractère propagandiste de ces Jeux d'été de 1936. Pour nous raconter ces Jeux historiques de Berlin, l'auteur, analyste, historien en sociologie du sport, Paul Holl. Monsieur Holl, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Paul Holl. Les Jeux sont attribués à Berlin en 1931. Hitler arrive au pouvoir en 1933. Avec ce qu'on sait maintenant, c'est une ironie du sort absolument extraordinaire. Mais quand il arrive au pouvoir en 1933, il n'en veut pas de ces Jeux, Hitler. Non, la mentalité d'Adolf Hitler est très loin de l'idée des Jeux olympiques, de l'idée de Jeux qui peuvent... parler ou qui envoie le message de la fraternité, du rassemblement d'une jeunesse, de l'expression sportive gratuite. Parce que pour Adolf Hitler, le culte du sport, c'est avant tout utilitaire et c'est pour former une jeunesse qui, éventuellement, sera une jeunesse de soldatesque, oui. Donc des militaires. Il ne comprend pas non plus, pour n'avoir jamais prêté attention véritablement à tout ce qui entoure l'idée, l'idéal et la réalisation de Jeux olympiques, il ne comprend pas cette énorme machine qu'on doit mettre en place, oui. Pendant 15 jours, qui ensuite va tomber ou pratiquement dans l'oubli. Il faut bien dire qu'avant 36, ce sont des Jeux qui n'ont pas nécessairement de grandeur. Et quand je dis grandeur, je parle ici de nombre d'athlètes, mm-hmm. de nombre de pays représentés et de succès sportifs qui peuvent avoir une signification et servir une nation. Ouais. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on comprend toutes ces choses-là. Mais à l'époque, l'homme qui est Hitler n'est pas présent à ce message. Mais il le comprendra. Qu'est-ce qui se passe? Et ça deviendra de fait des Jeux qui seront exactement ça, les Jeux à la grandeur d'une nation, les Jeux de 36. Il y aura peut-être un tournant d'ailleurs en 36. Faudra y revenir avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'il change d'idée? Les arguments qui lui sont servis, entendons-nous bien, ce n'est pas au dernier stade de la machine du national-socialisme, du parti. Ce sont les hauts dirigeants qui déjà prennent Hitler à part pour lui expliquer deux choses. D'abord, ces Jeux seront pour l'Allemagne un immense message qu'ils vont envoyer dans le monde entier. Ce sera également une renaissance d'un peuple qui a été obligé dans le traité de Versailles en 1919, lorsqu'il a été signé, de reconnaître leur responsabilité d'avoir déclenché la guerre et ensuite d'avoir subi toutes les conséquences que comportait ce traité. Par exemple, l'abandon de 14 % de leur territoire, de 10 % de leur population qui était redistribuée parce que les frontières allaient donc changer. Ils ont, la ville de Potsdam, par exemple, a été remise à la Pologne. L'Alsace et la Lorraine sont redevenues françaises et autres. Et à peu près 50 % de leur économie qui foutait le camp. Mmh. Tout ce qui s'appelle production de charbon, et toute l'industrie du fer, etc., c'est parti. En plus de ça, l'Allemagne s'est vue amputer ses armées. L'Allemagne ne pouvait plus avoir que 100 000 hommes de troupes et à peu près une quinzaine de mille marins. Ce qui, au niveau de l'Allemagne, de Deutschland über alles, cette Allemagne qui régnait au-dessus de tout, c'était donc compris maintenant comme étant la revanche de tout ce qu'avait entraîné le traité de Versailles et la défaite de la Grande Guerre. Les jeux de la réparation, en quelque si sorte. Et de la rédemption également. Et de la rédemption. Ouais. Ils auront lieu, ces jeux. Ça deviendra ce grand exercice politique et de propagande qu'on sait. On y reviendra. Il y aura quand même un mouvement de boycott, aux États-Unis en particulier, mais ailleurs également. Parlez-moi de ça. D'où vient ce mouvement-là? Dans quelle mesure il est sérieux? Comment il s'organise? Écoutez, il y a certainement des informations que l'on avait de l'intérieur qui ont été transportées. Il y a des mouvements, bien sûr, ne serait-ce que les Juifs eux-mêmes, dont le message sortait de l'Allemagne pour dire « Attention, regardez ce qui est en train de se passer. » Voulez-vous participer voilà. à ces ça, jeux-là? Voilà, ça c'est dès 1933-1934 que la chose se passe. Dès 1931, lorsque les Jeux ont été accordés, comprenons bien que le Comité international olympique, dont le président est le comte Henri de Baillet-Latour, un Belge, connu pour, j'allais dire, ses tendances racistes, et surtout son antisémitisme, dès ce moment-là, ce sont une quinzaine de villes qui sont battues à plate couture par la ville de Berlin. Et rappelons-nous également que lorsque des jeux sont attribués à l'époque, il y a toujours le privilège de le droit de préemption. Ouais. Alors, les jeux étant accordés à Berlin, automatiquement, l'Allemagne se voit accorder le privilège de présenter également les Jeux d'hiver. Mm-hmm. Ce qui fait que, donc, à Gartenpartenkirchen, les Jeux d'hiver avaient eu lieu en février de la même année. Ça a été un succès. Ouais. C'est donc dans la Bavière, aux frontières, etc. Et par conséquent, Berlin défait la ville de Barcelone, en Espagne. Et le mouvement de contestation partira de Barcelone. Et ce sont des Jeux parallèles qui sont prévus. Et l'ouverture de ces Jeux sont prévus également en 1936. Mais au moment du déclenchement de tout ça, arrive un petit incident qui a pris une ampleur mondiale. La guerre civile d'Espagne se déclenche. En tout cas, pour Pierre de Coubertin, ces Jeux-là sont une réussite à venir, et même après, il dira que ces Jeux ont été de grands Jeux. On l'écoute, Paul Holl, à quelques mois, je n'ai pas la date précise de l'extrait, mais Pierre de Coubertin, vraiment, on sent bien que c'est une question de semaines ou de mois, à quelques mois de l'ouverture des Jeux de Berlin. Écoutez ce qu'il dit de ces Jeux de Berlin. C'est avec un intérêt de tous les instants que je suis, en cette année 4, de la 10e Olympiade de l'ère moderne, la préparation des Jeux de la 11e Olympiade. Elle s'accomplit sur un plan magnifique, avec une parfaite conception des ensembles et un souci non moins parfait du détail. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait vues. Alors, Paul Holl, comment interpréter ce qu'on vient d'entendre de Pierre de Coubertin? Le régime nazi avait déjà récupéré Pierre de Coubertin, à qui on avait offert plein de choses. On lui avait proposé, par exemple, de créer un institut en Allemagne qui recueillerait toute son œuvre non publiée encore à ce moment-là. On avait proposé à Coubertin également une statue, de le statufier par conséquent. On lui avait proposé plein de choses dont Adolf Hitler personnellement avait dit qu'il soutiendrait la candidature de Pierre de Coubertin au prix Nobel de la paix. Alors donc, de Coubertin comprend très bien quand il voit, par exemple, qu'un Karl Diem, le docteur Karl Diem, détenteur d'un doctorat en médecine, sera une des personnalités qui va être en charge du comité organisateur des Jeux de Berlin. Lorsqu'il voit cet immense stade qui va être en construction, qui est une œuvre extraordinaire, soutenue d'ailleurs par Albert Speer, qui est l'architecte en chef du régime, un stade de 100 000 personnes, lorsqu'il sait que près de 50 nations qui vont entrer dans ce stade et que bientôt on va atteindre le cap des 4 000 athlètes, pour Pierre de Coubertin, c'est la consécration de toute son œuvre. Ce sera de beaux jeux, il le voit. Ce sera les plus grands jeux. Oui. les plus grands jeux de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas, je parlais de jeux de dupes au début de cette émission, mais un travail de duperie de la part des Allemands juste avant les Jeux. Il y a des gens du comité olympique américain, entre autres, qui sont là parce qu'il y a des discussions sur le boycott aux États-Unis qui sont assez sérieuses. Mais là, tout à coup, on fait... Il faut dire que le gouvernement américain est déjà en affaires, en business, depuis 1919 avec les Allemands. Il prête de l'argent à coût de centaines de millions de dollars. C'est le New Deal, entre autres, de Franklin Roosevelt, qui est le président des États-Unis. Il y a donc des très grandes entreprises américaines qui font affaires et font des affaires en or avec l'Allemagne. Et il y a un homme qui joue un rôle absolument dominant. Cet homme, lui-même antisémite, connu, s'appelle Avery Brundage. Ce sera cet homme qui, avec Juan Samaranch plus tard, sera derrière Pierre de Coubertin comme le plus long règne présidentiel du CIO. Avery Brundage accède au CIO quelques mois avant la tenue des Jeux. Il y a certainement, comme on dit, un deal qui s'est fait. Il est celui qui vient visiter en Allemagne pour s'assurer, effectivement, que toutes les mesures qui ont été promises par Adolf Hitler et par le régime, notamment, non, il n'y a pas de répression contre les Juifs, etc. Il revient aux États-Unis en leur disant, écoutez, il n'y a aucun problème, c'est bon, on y va. Ça commence donc, ces fameux Jeux, le 1er août 1936. Déjà, ce grand stade de 100 000 personnes, c'est très impressionnant. La cérémonie d'ouverture comme telle, déjà, donne le ton. Parlez-moi de l'histoire autour du salut olympique, parce que c'est très, très révélateur, peut-être de la confusion qu'il y a eu là-dessus. Le salut olympique, c'est ce qui deviendra le bras tendu du salut nazi. Oui. Le Heil Hitler, c'est devient ce geste, évidemment, du bras tendu. En réalité, c'est le salut du régiment, du bataillon de Joinville, qui est un salut qui a une longue histoire. Et rappelons-nous qu'il, d'ailleurs, ce salut, si on retourne dans l'histoire, il est le propre également d'un salut romain. Les légions romaines saluaient de cette manière également. Oui. Se frappaient d'abord la poitrine, ils étendaient le bras, et c'était le Ave César, bien entendu. En fait, étonnamment, la délégation du Canada, en 1936, en entrant dans le stade, fait ce salut. Et la Bolivie a fait ce salut pour la dernière fois. Elle a continué à le garder en 1972 à l'entrée du stade pour les Jeux olympiques de Munich. Oui. Donc, c'est une controverse qui, en réalité, est une fausse controverse, finalement. Parce que les athlètes, et ils seront nombreux, les Canadiens, mais pas que les Canadiens en 1936, à faire ce 80, salut. Oui, 96 athlètes. Ils font le salut olympique dans leur tête, mais ils sont à Berlin en 1936. Et dans le stade de Berlin, évidemment, on interprète ce salut-là. C'est le délire. Hein? Exactement, parce qu'on voit là la reconnaissance du régime nazi. Tout à fait. Écoutez à ce propos-là, parce qu'au fond, c'est fascinant, il y a les Jeux. Il y a les Jeux eux-mêmes et il y a ce que les Jeux deviennent pour les Allemands. Écoutez à ce propos le journaliste sportif Étienne Laloux, qui a assisté justement aux Jeux de 1936. Il parle de ça à l'émission « Les Jeux olympiques, reflet de l'histoire » en 1976. J'ai commencé à comprendre très vite parce que sur le stade, j'ai vu alors une foule hystérique, j'ai vu des manifestations extraordinaires de gens pour qui... Ces Jeux olympiques, ça n'était rien d'autre que l'occasion de faire la propagande d'une idéologie. Je me souviens par exemple qu'il y avait un discobol allemand qui s'appelait Schröder, qui était un bon discobol à l'époque, et il avait à tenter un essai pour se qualifier pour la finale. Et la foule était au courant de ça, et ils se sont mis à entonner quelque chose qu'on m'a traduit, et qui voulait dire « Schröder, Schröder, prends ton disque et pense à ta patrie. Schröder, c'est pour ton fureur que tu lances. » Ça, c'est fascinant, ce qu'on vient d'entendre. Ce sera ça, ces Jeux. Et j'écoutais le son. Oui. J'entendais la foule. On s'entend que c'est 100 000 personnes. Il n'y a pas eu d'autres Jeux où, dans un stade olympique, il y avait 100 000 personnes. Oui. Montréal, il y avait 72 000 sièges, on se souviendra. Et il faut dire que dans ce stade, à quel point le parti avait rodé, comme on dit, réglé comme une horloge suisse, pour faire un jeu de mots, il y avait 40 000 places dans les coins, dans les tournants, à cause des sons, qui étaient réservés pour les SA. Donc, c'était véritablement l'élite, la phalange du parti nazi, qui avait donc leur place réservée. Et ce sont les mêmes 40 000 qui était en uniforme pour l'arrivée de la flamme olympique, qui était en rangée avec tous les drapeaux et les swastikas, tels que les lois de Nuremberg l'année d'avant le voulaient, donc la première loi qui était celle du drapeau, le drapeau donc de la République de Weimar, qui était simplement les trois bandes de couleurs, changeait maintenant pour le drapeau qui portait le swastika. Et il y avait des milliers de drapeaux sur le parcours où les 3000 athlètes qui ont fait le relais de la flamme couraient entre des haies entièrement d'honneur, drapés du drapeau avec le swastika et des gens en uniforme du SA qui faisaient le salut nazi. Ça, il fallait le faire. Oben fliegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieber im 100-Meter-Lauf, Hesse oben. J'ai des souvenirs extraordinaires. Je fais la connaissance avec Jesse Owens. Nous étions très amis. C'était une athlète extraordinaire qui a fait une impression incroyable en moi. Arthur Takache, qu'on entendait au tout début de l'émission d'ailleurs, qu'on vient de réentendre sur un extrait du film Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, où on entend en fait la description de la course, de cette course du 100 mètres homme remportée par Jesse Owens, ce coureur noir américain. Les Jeux de 36, Paul Hall, ce sont aussi les Jeux de Jesse Owens. 4 médailles d'or. Beaucoup de récupération politique. C'est devenu un mythe, Jesse Owens. On comprend bien pourquoi le noir qui affronte, entre guillemets, l'Allemagne nazie. Qu'est-ce qui appartient au mythe avec le recul? Et qu'est-ce qui appartient à la réalité? Jesse Owens, en fait, avec les 4 médailles d'or, il rééditait un exploit de 1900. Alors déjà là, ça c'est un événement. Ça c'est une performance. Et cette performance ne sera rééditée que presque 60 ans plus tard par Carl Lewis. Personne n'a réussi cet exploit par la suite dans les épreuves de vitesse, on se comprend, plus le saut en longueur. Mais il faut dire une chose, le mythe est un peu qu'il était attendu. C'est le contexte politique qui a tout changé la chose et le fait qu'on a beaucoup récupéré les événements parce que l'histoire nous apprendra par la suite ce qui est arrivé. On a donc trafiqué des choses, on leur a donné un sens, une signification qu'ils n'avaient pas véritablement. On a fait ce de jour-là, Owen un héros. Ce jour-là, dans le stade, au moment où Owen s'aligne pour la finale du 100 mètres, il est déjà détenteur du record du monde à 10,2. Il fait 10,3. Et Metcalf, qui est le deuxième coureur le plus rapide au monde, fait 10,4, donc un dixième derrière Owens. La logique est respectée. Les deux athlètes les plus rapides au monde finissent 1 et 2 à l'épreuve olympique. Au saut en longueur, Owens est le premier homme qui a franchi la barrière des 8 mètres. Donc c'est un Japonais qui détenait ce record, mais il l'avait fait déjà aux États-Unis. Il détient le record du monde à 8 mètres et des poussières. Et à Berlin, en fait, c'est contre un athlète allemand, Long, que finalement, il y a, au bout de 5 sauts, les deux hommes ont fait 7,97 ou quelque chose du genre, si je me rappelle bien. Et finalement, Owens, pour la deuxième fois, franchit la barrière des 8 mètres. Il fait 8,06. Il remporte cette médaille d'or. Bien entendu, tout ça, par la suite, donne lieu, un, à une controverse, histoire de Hitler qui ne le salue pas ou qui le salue. Et deuxièmement, comment va-t-on maintenant récupérer la victoire de Jesse Owens? Bon, forcément, tout le monde est au courant des lois de Nuremberg, tout le monde est au courant de l'idée d'une race supérieure qui est la race blanche, le syndrome arien qui marque le parti nazi. Et en fin de compte, Owens est justement le contrepoids à cette pensée de propagande et à cette pensée eugéniste, finalement, qui est celle d'une domination d'une race sur d'autres. Mais l'est-il sur le champ ou en fait-on ce symbole plus tard? Il ne l'est pas immédiatement, il ne l'est pas sur le champ. Mais lui n'en est pas conscient, en tout cas. Il n'en est certainement pas conscient à ce moment-là. Rappelons-nous qu'à ces mêmes Jeux, deux Allemands, Schwarzmann et Frey, remportent tous les deux, au total, 11 médailles en gymnastique. Il y a, et ça c'est véritablement l'affaire, un en remporte 5, l'autre en remporte 6 médailles. Alors il y a là, pour des analystes de sport, les véritables exploits, c'est là qu'ils étaient. Mais évidemment, Owens marque l'imaginaire. Pourquoi? Parce que de toute l'histoire des Jeux, la fameuse course du 100 mètres demeure l'épreuve reine. Et puis il aura Il y a ce qu'on fera de Owens, mais il y a les Jeux que vivra Owens. Et il a une phrase terrible, Owens, quand il parle des Jeux de Berlin. Cette phrase terrible est de dire que j'ai été très bien accueilli par Hitler et son monde. Mieux accueilli par Hitler et son monde. Et j'ai été très mal accueilli par Roosevelt et par mon propre pays, les États-Unis. Ouais. Et on comprendra qu'aux États-Unis d'Amérique, en 1936, la ségrégation raciale est encore très puissante. Le Ku Klux Klan est là. Il y a des organisations, bien sûr, un peu partout, qui continuent à prôner le fait que les Noirs est une sous-race et que quand il a dit « On a fait de moi un héros national quand je suis revenu, mais quand j'entre dans l'autobus, on me demande d'aller m'asseoir en arrière. » Les Jeux de Berlin, Paul Hall, de 1936, c'est aussi les Jeux de Leni Riefenstahl. Parlez-nous de l'importance. Parlez-moi de son rôle à Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, elle est déjà établie comme une grande actrice en Allemagne et qui devient très rapidement une réalisatrice. Elle a donc à son actif déjà des films. Elle est quelqu'un qui est audacieuse et qui a la protection personnelle de Adolf Hitler. Adolf Hitler l'a vu dans 2-3 films, dont La Lumière Bleue. Et dans La Lumière Bleue, étonnamment, et c'est là que la chose se passe, le film de La Lumière Bleue appelle justement a une très grande compassion pour autrui. Et elle joue un rôle là-dedans qui devrait finalement déplaire à l'ensemble, à l'élite du parti nazi. Au contraire, Adolf Hitler est ému par ce rôle. Et elle fait tout pour le rencontrer. Parce qu'elle entend Adolf Hitler à Nuremberg lors d'un célèbre discours. Et elle écrit personnellement à Adolf Hitler en lui disant à quel point elle est fascinée et attirée par son charisme et l'influence qu'il a sur les foules et qu'elle aimerait le rencontrer. La chose se passe très rapidement à Berlin et Leni Riefenstahl devient la protégée de Adolf Hitler, qui lui confie non seulement les films sur le triomphe de la volonté, qui est un film qui est fait de propagande pure sur les événements de Nuremberg, au moment où les lois de Nuremberg sont passées en 1935, mais ensuite qui demande que ce soit elle qui produise Les Dieux du Stade en 1936, film qui aura un succès monstre. Et en 1938, lorsqu'il sortira ce film, il sera consacré. Et on a toujours dit que c'est Leni Riefenstahl qui est à la base de ce qui est généralement aujourd'hui connu comme étant le documentaire. Ouais. Et peut-être, puis on termine là-dessus, que ce film de Riefenstahl, le travail qu'elle fera à Berlin, annonce sur le plan de la visuelle, de la communication, ce que deviendront les Jeux olympiques plus modernes, en fait. Absolument. Si on met ensemble, si on veut le syndrome, la symbiose de ce qui s'est passé dans le stade, les succès, l'utilisation de ces Jeux comme étant un instrument de propagande avoué maintenant, avec un impact certain, et bien entendu le fait que l'art puisse être au service également des Jeux et par là même les grandir, tout ça, ça s'est passé en 1936. Paul Hall, c'était fascinant de vous entendre nous raconter ces Jeux de 36, auteur et historien en sociologie du sport. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.